Chapitre 27. 2165, année Upléenne. L'aide de l'OMPC sur le terrain touchait à sa fin. Bientôt, le plus gros des troupes serait rapatrié au cœur du comète, et quelques garnisons resteraient postées le temps du protectorat. Les mercenaires, qui se fussent rendus volontairement ou qui s'étaient été capturés par la force, étaient acheminés sur leur planète d'origine et livrés aux autorités. Certains, en cavale, étaient condamnés dans leur monde pour leurs crimes passés. D'autres étaient condamnés pour avoir pris part à de l'esclavagisme. Et d'autres encore étaient relâchés, la morale ou les lois de leur planète, n'ayant que faire des histoires du comète. Par la libération de Nikéas, s'entamait le compte à rebours du protectorat de 3 années universelles. À bord du vaisseau-mère, tout le monde trinquait et se réjouissait de la fin du conflit. Il était aussi question de faire ses adieux aux membres de l'état-major qui avaient été présents tout le temps du conflit, n'échangeant avec leur famille que depuis leur implant. Des remplaçants, des officiers frais, venaient d'accoster, et c'était le moment idéal pour leur souhaiter la bienvenue. La salle principale du vaisseau, où se trouvait une immense baie vitrée, d'où l'on pouvait contempler l'équateur de Nikéas, avait été décorée avec les éléments du bord. Certains des décorateurs improvisés avaient fait preuve d'imagination pour confectionner des guirlandes à base de vêtements ou des suspensions avec des casques et des chaussettes. Les parois étaient animées de jeux de lumière et de la musique résonnait dans les haut-parleurs, qui jusqu'ici n'avaient servi qu'à délivrer des messages formels. Le décisionnaire Gisor était de ceux qui quittaient le vaisseau-mère. Il était impatient de retrouver son foyer et les siens. Zélé lui témoigna toute sa gratitude pour son implication et sa compréhension face à sa conduite et à ses requêtes. « Tu le sais tout comme moi, héritière Zélé. Je suis Nikéen, tout autant que tu es Ounon. » Ormaïn s'approcha de Gisor. Il brûlait d'envie de lui poser la question qui lui trottait dans la tête depuis qu'il avait vu le décisionnaire pour la première fois, mais n'y parvenait pas. Il avait tenté de trouver sa réponse sur le Rézarque, mais n'y avait pas compris grand-chose. Gisor s'aperçut des regards en coin qu'Ormaïn lui adressait et creva l'abcès. Il n'est pas du genre à tourner en rond. « Tu veux me demander quelque chose, représentant Ormaïn ?»« En fait, je me demandais, tu es un mâle ou une femelle ?» demanda Ormaïn timidement. « Connaître le rôle joué par mon corps dans la reproduction de mon espèce, t'est-il si capital ?» demanda Gisor. Non, pas vraiment. » Gisor remarqua bien qu'Ormaïn était penaud. Il préféra se montrer magnanime. « Il existe 4 sexes chez les Timus, avec des compatibilités diverses, mais dans la binarité de la langue nikéenne, je préfère l'emploi du masculin pour ma personne. » Décisionnaire Gisor, ne le tourmentez pas trop. Il a beaucoup à apprendre sur les différentes formes que peut prendre la vie. « Vous nous reviendrez vite, j'espère, » disait-il. « Je n'ai pas encore pris congé que tu me demandes de revenir, héritière Zélé. Les envahisseurs ne sont pas à votre porte. Nikéas supportera parfaitement mon absence, » dit-il. Décisionnaire Gisor, ce n'est pas à vous directement qu'est revenue la décision de défendre Nikéas, mais j'attiens à vous remercier. Ormaïn aussi la souhaite, » disait-il. « Absolument, » dit Ormaïn. Décisionnaire Gisor, tout ce temps passé à libérer Nikéas, et pas une fois vous n'avez posé un membre sur son sol. Ne souhaitez-vous pas savourer l'ambiance d'un monde libéré avant de nous quitter ?» lui demanda Zélé. « Je n'ai pas besoin de cela pour me rendre compte que le travail est fait. » Décisionnaire Gisor, mais le résultat ? J'ai dîné avec des Nikéens libres, des jumeaux réunis, des parents avec leurs enfants, des parents avec leurs jeunes enfants. Que de joie sur leur visage, s'enthousiasma Zélé. Je ne suis pas sentimental. Je ne fais cela que pour la justice. décisionnaire Gisor, vous parlez comme un robot soldat, lui fit remarquer Zélée. Fille Zélée, c'est bien le meilleur moyen d'être efficace. La reine Zeninouma venait d'entrer dans le grand hall du vaisseau mère, où était donnée la réception, accompagnée à sa gauche du roi Idlé, et encore plus surprenant, à sa droite, de Zoku. Le décisionnaire Gisor salua rapidement la reine et s'esquiva. Il ne tenait pas particulièrement à échanger avec elle, et aux gros yeux qu'avait fait Zélée, nul doute que la conversation allait vite tourner aux histoires de famille, au milieu de laquelle il serait clairement de trop. Il sentit qu'Ormaïn n'avait pas sa chance et qu'il devrait endurer cela. Il lui tapota l'épaule au passage. Tout aussi bien Idlé que Zoku n'étaient pas à leur aise dans un endroit aussi peuplé. Au quotidien, ils incarnaient la discrétion. Ils aimaient vaquer leur passe-temps et éviter d'attirer l'attention. Le doute était permis pour le roi. Peut-être avait-il réellement souhaité se rendre sur Nikéas par curiosité. Mais pour Zoku, Zélée savait qu'il n'était pas venu de son propre chef, et elle se renseigna via une conversation implantaire, évitant tout esclandre public. Zoku lui confirma, bien sûr, que la reine l'avait incité à venir, et qu'il n'avait su refuser. Que manigançait-elle encore ? Zélée en eut une petite idée et s'adressa sur le ton le plus cordial possible, et à faible volume, à sa mère. « Mère Zeninouma, c'est bien aimable à voix d'être venue si bien accompagnée. » Je suis certaine que Zoku apprécie de se retrouver dans cette foule. Fille Zélée, il est surtout heureux de te revoir, fit remarquer la reine. Mère Zeninouma, inutile que nous paraissions ensemble en public. Nous ne nous marierons pas. Zoku et moi l'avons ainsi décidé. Reine Zeninouma, c'est exact, confirma Zoku. Fille Zélée, je l'ignorais tout à fait. Mais c'est justement pour l'inverse que j'ai convié Zoku, dit la reine. Zoku était intervenu brièvement pour appuyer les dires de Zélée et se détourna aussitôt de la conversation d'aisée pour discuter avec Ormaïn d'un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur. Il n'avait pas voulu déranger Zélée et d'après ce qu'il en avait entendu, Ormaïn était le mieux placé pour le renseigner. Ormaïn, après la capitulation des mercenaires, j'ai cru comprendre que tu avais fait partie des troupes qui ont inspecté les forteresses, dit Zoku. Oui, c'était ma première mission de terrain, après des mois en orbite. Quel plaisir de retrouver le sol et le grand air. Peu importe la technologie, on ne respire nulle part mieux que dehors, répondit Ormaïn. Ormaïn, je n'aurais pas revisité la forteresse où nous avons été détenus par hasard, demanda Zoku. Oui, les chances étaient faibles, il y en a tellement. Mais j'ai été envoyé dans mon secteur natal, mais pas par hasard. Ce n'était pas pour autant une bonne idée, car c'est là que j'ai été le plus mal à l'aise. Dans les autres, on imaginait les horreurs qui ont pu s'y produire. Mais dans celle-ci, Sarah vivait. Enfin, tu vois, confia Ormaïn. Entre Zélée, qui avait oublié l'épisode de leur détention dans la forteresse du commandant Irgosh, et Zoku, qui avait été uniquement maintenu en cellule, Ormaïn était le seul à avoir expérimenté tout ce qu'un prisonnier pouvait craindre des mercenaires. Il avait été livré au sadisme du commandant, et la déconnexion de son implant ne l'avait pas gratifié d'une amnésie salutaire. Il n'avait partagé cet épisode traumatisant avec personne, et Zoku ne mesurait pas l'intensité de la douleur qu'il réveillait chez son interlocuteur. Ormaïn, vous avez visité la forteresse dans son ensemble ? Les bâtiments avoisinants, ou les fouilles ne s'arrêtaient-elles qu'aux cellules ? Demanda Zoku. Qu'essaies-tu de dire, Zoku ? Je ne te suis pas, fit remarquer Ormaïn. Ormaïn, la Gilgo, l'avez-vous vue ? Est-elle là-bas ? Zélée l'avait aperçue avant que nous ne montions à bord du vaisseau de la reine, indiqua Zoku. Oh ! La falaise a été pulvérisée par les tirs, Zoku. Ton vaisseau s'est retrouvé enseveli, je pense. Nous n'avons pas fouillé les décombres, que les parties praticables. Mais peut-être que dans quelques mois, les lieux seront nettoyés, supposa Ormaïn. Ormaïn, merci. Je me ferai une raison, j'ai perdu mon vaisseau, s'attrista Zoku. Zoku ne tint pas compagnie à Ormaïn une seconde de plus. Il se détourna aussitôt pour le buffet, l'air maussade. Il avait vraiment espéré que son cher Agilgo ait pu échapper aux explosions et aux chutes de pierre. De son côté, Zélé était surprise par les propos que Zeninuma venait de tenir. Elle avait convié Zoku pour une raison inverse que leur mariage. Zélé ne sut que répondre. Elle laissa la reine continuer. Fille Zélé, si Zoku est présent, c'est parce que je voulais discuter avec vous de l'abandon de ce vieil accord tacite qui flottait au-dessus de vos têtes depuis votre enfance. Je voulais te dire que je n'attends pas que tu aies l'épouse. Je ne compte pas t'obliger à t'unir à qui que ce soit. Mère Zeninuma, vous m'envoyez surprise, dit Zélé. Fille Zélé, je m'en doute et je ne t'en tiens pas rigueur. J'espère qu'un jour tous ces griefs seront derrière moi. Mère Zeninuma, oui, je l'espère aussi, répondit sincèrement Zélé. Fille Zélé, n'importe quel stratège ne trouverait pas ton union avec Zoku judicieuse, continua la reine. Mère Zeninuma, que voulez-vous dire? S'enquit Zélé. Fille Zélé, notre civilisation ne se limite plus à une seule planète. Ses responsables ne peuvent représenter qu'une partie du peuple. Bientôt, les Upléens devront émigrer vers Nikéas. Et comment les Nikéens pourraient-ils vivre pareille situation, autrement que comme une invasion, si bien ne sont pas présents au gouvernement? Dit la reine. Mère Zeninuma, les Nikéens seront au gouvernement. Elle y aura une représentante pour chaque continent, indiqua Zélé. Fille Zélé, cela va de soi. Cependant, tout le monde saura vite qu'au-dessus des représentants se trouvent la reine et le roi. Si elles sont tous deux Upléens, les décisions prises seront toujours considérées comme favorisant les Upléens, indiqua la reine. Zélé avait écouté sa mère et en venait aux mêmes conclusions. Elle avait cru à l'idée de futurs représentants des continents nikéens, qu'ils interviendraient équitablement dans les décisions, qu'ils seraient écoutés et partageraient leurs visions. Mais la reine serait toujours vue comme la plus puissante, tout comme son époux le roi. Zélé se tourna vers Ormaïn qui discutait avec Zoku et n'avait rien écouté des paroles échangées entre la reine et l'héritière. Ormaïn terminait son échange avec l'Upléen. Et bien qu'il n'ait pas prêté attention à ce qu'il se disait derrière lui, il comprit qu'un silence assez lourd s'était installé et qu'on attendait quelque chose de lui. Il pivota de 50 degrés et croisa le regard de Zélé. Elle lui adressa la dernière question qu'il s'apprêtait à entendre. « Ormaïn, veux-tu devenir roi ?» lui demanda Zélé. Ormaïn balada son regard à droite et à gauche, comme pour vérifier que la question lui était adressée, et comme elle était formulée en upléen et que son implant la lui traduisait, il la fit répéter plusieurs fois, pour être certain d'avoir bien compris le sens. L'héritière le demandait en mariage. Zélé venait de lui demander de l'épouser, ou quelque chose lui échappait-il? Y avait-il un autre moyen de devenir roi qu'en épousant la reine? Devait-il répondre avec emphase? Devait-il être solennel? Pouvait-il refuser? Et plutôt bien considéré, en avait-il la possibilité? C'est-à-dire que je suis déjà mariée, fit remarquer Ormaïn. Représentant Ormaïn, oui, Zoku m'a raconté. Tu es mariée, par un petit rite qui n'a rien de légal, à une Nikéenne portée disparue depuis 15 années Nikéennes. J'avais croire de tout mon cœur que Vel sera retrouvée quand des expéditions seront menées sur des planètes non membres. Mais n'espère pas trop. Ta planète a besoin de toi aujourd'hui, lui indiqua la reine. Zélé, pourrions-nous... intima Ormaïn à Zélé. Ormaïn aurait aimé une discussion en privé pour obtenir un minimum d'explications. Un instant, il discutait vaisseau disparu avec Zoku, et la seconde d'après, il était fiancé à l'héritière, avec la reine qui balayait son premier mariage comme une miette de petit four sur sa manche. Malheureusement, Zélé fut tout de suite apostrophé par d'autres invités et attiré au loin. Il passa le reste de la fête, seul, près du banquet, et parfois quelqu'un venait lui lancer un « Félicitations !» enthousiaste. La nouvelle était-elle répandue ? Le retour sur Uvléas de la famille royale au grand complet fut accueilli en fanfare. Les fiançailles de l'héritière furent annoncées dès qu'ils posèrent le pied sur le sol uppléen. Et les médias y allaient bon train, sur les ragots sortis de nulle part, et certains journalistes s'enorgueillaient d'avoir détecté, dès leur apparition sur la grande place de la reine, les regards complices que Zélé et Ormain échangeaient. Durant le voyage, pour son plus grand soulagement, Ormain avait pu recevoir toutes les réponses à ses questions sur ce soudain changement stratégique. Zélé lui avait présenté les arguments éclairés de la reine, à quel point elle avait trouvé ce mariage nécessaire une fois présenté sous cet angle par Zenninuma. L'héritière lui avait aussi présenté ses excuses quant aux circonstances dans lesquelles s'était faite la proposition, le laissant comme au pied du mur. Dans son naturel conciliant, Ormain avait volontiers pardonné ce manque de tact et s'était lancé dans des recherches sur le rôle occupé par le roi Idlé. Quelques jours après le retour de la famille royale, le décisionnaire Gisor fit une dernière étape sur Uppléas avant de rentrer chez lui. Il lui incombait de signer le protectorat en tant que décisionnaire de l'OMPC, en charge de la situation Nikéo-Uppléenne. La signature eut lieu au palais royal, dans la salle du trône, pendant que les images historiques étaient retransmises sur le Rézark. Les membres du cercle qui avaient décidé de l'établissement de ce protectorat avaient déjà apposé leur sceau. Il ne restait qu'aux représentants d'Uppléas et de Nikéas de se livrer à l'exercice. La reine Zenninuma acceptait mal de n'avoir aucune place dans cet événement, mais elle devait s'y habituer. Dans quelques semaines, elle devrait abdiquer en faveur de sa fille, et l'évidence voulait que Zélé la tiendrait éloignée du pouvoir. Peut-être la consulterait-elle de temps à autre. Elle était apparue moins amère dernièrement. Leur discussion sur Jobjo avait apaisé les tensions. Si cette conversation n'avait pas été fructueuse, Zélé aurait fait abdiquer sa mère bien plus tôt, au moment même de la signature du protectorat. Mais leur relation n'était plus houleuse. Elle restait difficilement définissable, mais la part négative avait été nettement réduite, et c'était ce qui importait. Zélé avait aisément consenti à la laisser prendre son temps. Cela ne changeait rien dans les prises de décision, puisque Zenninuma rendait compte à Zélé de tous ses actes, et c'était l'héritière qui lui dictait sa conduite. Chose totalement impensable 2 ans auparavant. Ainsi, Zélé, tout de même méfiante, ne quittait plus le palais pour y vivre comme la reine qu'elle allait devenir et passer sa journée enrobée du halo de sa ceinture. Ormain se permettait des promenades jusqu'à l'oasis en compagnie de Goba, qui appréciait peu de rester dans le désert ou dans la cour du palais. Être éloignés l'un de l'autre était aussi un bon moyen d'éviter de se parler. Non pas qu'ils n'avaient plus rien à se dire, mais ils échangeraient sans jamais aborder le sujet principal qui leur trottait dans la tête, à savoir leur mariage. Il y avait peu, voilà qu'Ormain évoquait leur baiser manqué et maintenant, ils étaient destinés à s'unir. Peut-être était-ce inattendu et précipité, mais la situation n'était-elle pas urgente et ne l'exigeait-elle pas? Zélé ne regrettait pas sa demande, elle savait qu'Ormain ferait un bon roi, qu'il s'épaulerait, et saurait trancher pour le bien du plus grand nombre. Elle l'avait vu et écouté à l'état-major. Il défendra les siens et tiendra compte des avis des autres. Ormain, lui, doutait de ses capacités. Zélé lui avait-elle proposé parce qu'il était le seul Nikéen qu'elle connaissait vraiment? Parce qu'elle s'était sentie obligée de lui proposer puisqu'il était à l'origine de tout? Parce qu'elle ne pouvait pas demander à Karoa? Ormain essayait de se convaincre que c'était parce qu'il était capable, qu'il était parvenu à s'exprimer aussi bien aux comètes que devant les Uppléens, qu'il n'avait pas été perdu lors du conflit et avait eu l'impression d'être à sa place lors de la traque des mercenaires. Oui, Zélé lui offrait le titre de roi parce qu'il serait à la hauteur. Après tout, représentant au roi, seul le terme changeait, le travail serait le même. Alors il n'avait pas à être intimidé. Après que l'annonce de la libération de Nikéas ait résonné partout dans le comète et au-delà, une vieille carlingue aborda la planète, envoyant une demande d'asile au vaisseau de l'OMPC posté en orbite. Il s'agissait de Nikéens, anciens esclaves, qui s'étaient enfuis et avaient vécu cachés sur des mondes moins chaotiques que ceux qui faisaient commerce de leur vie. Une association, fondée par une néphienne exilée, recherchait sur les planètes esclavagistes les Nikéens en fuite et les conduisait à l'abri sur une planète où l'esclavage de leur espèce était interdit. Les Nikéens libres y possédaient des terres, s'intégraient à la société et avaient même fondé une famille parfois. L'association recevait des dons de particuliers qui soutenaient ses actions. Les planètes non membres du comète n'étaient pas toutes en proie à la violence et au chaos. La majorité était habitée par une civilisation représentée par une espèce dominante qui se considérait supérieure aux autres espèces, autochtones ou aliens. Et quelques-unes évoluaient vers plus de compassion et de bienveillance envers les étrangers. Parmi ces planètes-ci, dont la Terre, on accordait une valeur à la vie d'individus d'espèces qui avaient été jugés comme évolués, et les autres individus, qui n'avaient pas la chance de pouvoir aussi bien se faire comprendre par les sourds qui en tiraient profit, pouvaient être exploités, contrôlés, vendus, tués et ridiculisés par les espèces dites pensantes. C'était sur un de ces mondes-là, la planète Phidolius C, que l'association envoyait les Nikéens qu'elle sauvait. Elle les sauvait aussi bien en fournissant une destination à leur fuite qu'en les achetant sur les marchés quand l'occasion se présentait. Même si ce dernier acte était pratiqué en ultime recours, car il était toujours déchirant d'encourager la vente d'esclaves pour les émanciper. Les esclavagistes n'avaient que faire de ce qui advenait de leurs marchandises, que les esclaves fussent exploités, livrés en pâture à une créature plus grosse ou libérés du moment qu'ils étaient payés. Apprenant que leur planète natale n'était plus sous le joug des mercenaires, une expédition de rescapés s'était composée pour aller en reconnaissance. Était-ce vrai ? Leur serait-il permis de rentrer chez eux ? Les membres de leur famille, auxquels ils avaient été arrachés, étaient-ils toujours en vie ? L'information remonta immédiatement à Zélé et Ormaïn, qui eurent le désir de rencontrer une personne de cette expédition. Afin de faire comprendre aux Nikéens qu'Upléas était tout autant leur que Nikéas, il fut décidé que la rencontre aurait lieu au palais royal, dans la salle du trône. Pour l'occasion, la pièce était entièrement climatisée et humidifiée pour reproduire l'atmosphère équatoriale nikéenne. Zélé et Ormaïn avaient désactivé leur ceinture et étaient tout à leur aise. Un serviteur annonça l'arrivée de l'émissaire des Nikéens, expatrié, et Zélé en eut presque les larmes aux yeux. Même arrachés à leur planète, privés de liberté, les Nikéens étaient parvenus à se rassembler, à s'unir pour venir en aide à leurs congénères et se constituer un havre pour vivre une vie digne. Elle pourrait se reposer sur eux pour obtenir tous les conseils avisés pour la création de l'équipe de renseignement, qui serait chargée de retrouver et libérer tous les Nikéens expatriés. Mieux, cette équipe n'aurait pas à être créée. L'association existait et continuerait son travail, dotée cette fois d'un véritable financement et de véritables moyens pour infiltrer, faire évader, se protéger et contre-attaquer au besoin. Zélé avait tant craint de devoir attendre la fin de la réunification, que les Upléens aient terminé d'émigrer sur Nikéas, pour avoir le temps de mettre en place ce programme. Et voilà qu'il existait déjà, que dès à présent, des rapatriements pourraient commencer. Assise sur son trône, mille idées héroïques fusaient dans son esprit, accroissant chaque seconde son impatience palpable. Un battant de la double porte pivota automatiquement, et une silhouette s'avança sur le long tapis de velours pourpre, qui ouvrait le chemin jusqu'au trône. À contre-jour, on ne distinguait pas son visage, seules les broderies des vêtements composés des tissus les plus précieux scintillaient dans la lumière. Une lourde cape recouvrait ses épaules et retombait sur le sol, faisant une traîne qui frottait sur le velours du tapis. La capuche de cette cape était rabattue sur sa tête de sorte que son visage restait dans l'ombre. Seul un ray audacieux de lumière parvenait au menton. La cape, dont les deux pans étaient seulement retenus par une chaîne en or, était bien entrouverte et encadrait les formes arrondies du corps. La robe, dessous, était courte, stoppant à mi-cuisse et révélant de longues jambes d'un bleu luisant. La démarche chaloupée berçait les mouvements gracieux des bras. Arrivée au bout du tapis, la visiteuse s'inclina respectueusement devant le couple. Pendant qu'elle s'était avancée, Zélé et Ormaïn n'avaient pas bougé de leur fauteuil, hypnotisés par la démarche, troublés par cette vision qui ne correspondait en rien à ce qu'ils avaient pu se figurer. Réalisant enfin que leur invité ne pouvait davantage s'avancer vers eux, et qu'elle les saluait, ils s'étaient levés d'un bond, sans prononcer le moindre mot, et attendirent que l'inconnu découvrit son chef. Ce qu'elle ne tarda pas plus longtemps à faire. Se tenant droite devant eux, la tête inclinée, elle porta ses mains aux longues griffes rouges à sa capuche et la releva d'un geste magistral. Zélé fut frappée par la beauté de son visage. Son cuir ondulé rose pâle encadrait ses joues et ses yeux étaient d'un rose vibrant. Ormaïn, stupéfait, ne put retenir sa surprise. Xenia. Oh Ormaïn. L'héritière vit l'étrangère se jeter au cou de son fiancé sans retenue, la bousculant dans son élan, ne s'excusant nullement. Dans les bras de son épouse, Ormaïn était encore trop sous l'effet du choc pour pouvoir évaluer les sentiments qui l'habitaient. Il dénota néanmoins le regard abasourdi de Zélé et se dégagea immédiatement de l'étreinte de Xenia, tentant de reprendre contenance. « Je te présente la princesse Zélé, » dit Ormaïn. « Oh oui, bien sûr, je manque à mes devoirs, ton Altesse. » Xenia s'inclina exagérément devant Zélé, et cette dernière nota bien la moquerie qu'elle venait de placer volontairement dans sa révérence. Ormaïn, lui, ne s'aperçut de rien dans son comportement, mais plutôt que son ikéen était bon, son accent autrefois prononcé, s'était atténué. Tu sais, mon cher Ormaïn, je ne pouvais pas deviner comment je réagirais en te retrouvant, dit Xenia. Je suis tellement désolée, Xenia, je suis maintenant fiancée avec Zélé. C'est une longue histoire. Où est notre fille? Demanda Ormaïn. Nous sommes toujours mariés, Ormaïn. Me croyais-tu morte? Ou cela n'est-il pas un problème dans la coutume upléenne? Je ne savais pas que la polygamie était autorisée, fit remarquer Xenia. Je t'en prie, Xenia, tu sais bien que nous ne sommes mariés qu'auprès de la résistance. Légalement, notre mariage ne vaut rien. Où est notre fille? Insista Ormaïn. Est-ce donc cela que représente notre mariage à tes yeux? Tu as besoin qu'il soit absolument légal pour t'estimer engagé envers moi? Peu importe les cérémonies, Ormaïn. Je n'ai pas besoin du moindre acte officiel pour me sentir engagé et me considérer comme ton épouse. S'indigna Xenia. Au milieu de cette chamaillerie de couple, Zélé tenta d'intervenir. Quelques mythes auparavant encore, elle s'attendait à aborder des sujets plus nobles, avec une rescapée de l'esclavage. Et voilà que cette rescapée n'était autre que Xenia, l'épouse d'Ormaïn, disparue depuis 18 années upléennes. Cela changeait à la fois tout et rien. La question du mariage pouvait être débattue, mais en premier lieu, si elle était présente, c'était pour discuter de l'existence d'un mouvement de lutte extra-nichéen, et Zélé tenait à le rappeler. Je vous prie de m'excuser, mais ce n'est pas la question qui nous importe, intervint Zélé. Elle parle le nichéen, s'étonna Xenia. Zélé prit sur elle cette interruption mal polie et se laissa dévier de son idée première pour répondre à Xenia. Oui, je parle votre langue, Ormaïn me l'a apprise et elle est désormais répertoriée sur le Résarque. Votre conversation ne m'échappe pas depuis tout à l'heure, fit remarquer Zélé. Eh bien, je suis surprise qu'après tant de siècles sans avoir levé un petit doigt pour secourir Nikéas, tu estimes notre langue assez digne de toi pour l'apprendre, dit Xenia. Visiblement, Xenia ne connaissait pas toutes les subtilités de l'histoire. La réplique, ayant été prononcée avec véhémence, Zélé se retint de lui rabattre son caquet par un récapitulatif des faits et essaya de garder le cap pour rendre la conversation plus constructive. Quoi qu'il en soit, tu as été séparé d'Ormaïn suffisamment longtemps pour que l'on puisse te croire décédé et affirmer qu'il était libre de s'engager à nouveau. Upléas et Nikéas vont devoir s'unir dans un commun effort pour se reconstruire et nommer roi le Nikéen à l'origine de la libération n'est que justice, expliqua Zélé. Ce que Zélé veut dire, intervint Ormaïn, Xenia, c'est que depuis tout ce temps, nous ne pouvons plus compter retrouver notre vie d'avant. Il est préférable pour chacun de nous de recommencer une nouvelle vie. Trop de choses nous séparent à présent. Où est notre fille ? Redemanda Ormaïn. Comme je l'ai dit, Ormaïn, j'estime être ton épouse. Peu m'importe que ce soit légal ou non. J'ai le cœur brisé de t'entendre ainsi parler de nous. Est-ce là toute l'image que tu te fais de notre mariage ? Il t'importe donc si peu ? Dit Xenia. Non, Xenia, je veux juste être réaliste et... balbutia Ormaïn. Et quoi ? J'ai été vendue comme une misérable esclave et toi, bien débarrassée, tu en as profité pour te trouver une jeune minette riche et vivre en pacha sans te soucier de ce que j'étais devenue ? S'indigna Xenia. C'est faux ! Que crois-tu que j'ai fait quand vous avez disparu ? J'étais hantée de cauchemars, ignorant ce qui avait pu vous arriver. Je voulais partir à votre recherche. Ta beauté légendaire n'aurait certainement pas échappé à quiconque t'aurait enlevé. Se justifia Ormaïn. Je préfère cela. Mais sont-ce là des propos à tenir devant sa fiancée ? Tu ne dis rien, Majesté ? Demanda Xenia à Zélé. Cela ferait longtemps que Xenia serait morte, abattue, si les yeux de Zélé avaient pu la tuer tant il la fusillait. L'arrogance et le sang-gêne qui l'habitaient lui étaient insupportables et elle ne comprenait pas comment deux êtres, à l'évidence si opposés, pouvaient s'être mariés. À plus y réfléchir, Ormaïn ne lui avait jamais décrit Xenia, n'avait jamais parlé de leur relation. Zélé ne s'était pas non plus montrée curieuse à ce propos, elle devait l'admettre. Elle ne reconnaissait pas non plus le caractère de la Xenia du carnet. Si Ormaïn n'avait pas été présent pour confirmer son identité, elle aurait cru à une imposture. La description physique correspondait, mais en rien l'humeur. Puisque le sujet des Nikéens émancipés ne pourrait être abordé tant que Xenia n'aurait pas exprimé sa rancœur, Zélé enchaîna sur un ton calme. Si elle ne pouvait pas diriger la conversation, au moins essaierait-elle d'apaiser les échanges. Au-delà de vos querelles de couple déchirées, je te contemple, Xenia, et je ne peux m'empêcher de penser que tu m'es familière. J'ai lu le carnet de voyage que tu as tenu avec Larissé et Amirefoa. Vous vous décrivez les unes les autres et... je ne sais pas si c'est la plume de Larissé qui est plus affûtée. Tu es telle que je t'avais imaginée. C'est comme si je t'avais déjà vue. Disait-elle. « Clairvoyante petite !» lança Xenia. « Je t'interdis de lui parler sur ce ton, Xenia. Où est Makerada ? Réponds !» s'impatienta Ormaïn. Depuis le début de la conversation, Xenia jouait à la sourde et orientait les propos dans la direction qui l'intéressait. Ormaïn, qui jusque-là avait fait de son mieux pour rester poli, perdit patience et laissa éclater sa colère envers Xenia. Il attendait une réponse, et il ne supportait pas qu'elle osât ainsi ignorer ses demandes sur la santé de leur fille. Il regretta cependant de s'être emporté. Il connaissait Xenia. Elle était d'un tempérament obtus, et lui crier dessus ne la déciderait pas à aborder un sujet qu'elle avait l'air de fuir. Et pourtant, elle ne réagit pas de la façon à laquelle s'attendait Ormaïn. Au lieu de se braquer, la question eut l'air de terriblement l'amuser, et elle laissa éclater un rire vulgaire, sonore, qui fit écho dans la salle du trône. Ormaïn, Ormaïn, Ormaïn, tu es si naïf. Tu l'as toujours été. Analysons la situation, veux-tu ? Je disparais avec notre fille il y a 15 ans, c'est-à-dire 21 années upléennes, majesté. Puis tu arrives ici et tu rencontres cette charmante femelle, qui non seulement est très différente de ses concitoyens upléens, et qui ressemble à s'y méprendre à une nikéenne, mais qui en plus se trouve avoir le même âge de celui qu'aurait notre fille aujourd'hui. Expliqua Xenia. Qu'est-ce que tu racontes? Où veux-tu en venir? S'impatienta Ormaïn. Sa Majesté l'a dit elle-même. Je lui suis familière. Ne trouves-tu pas, mon cher Ormaïn, que nous nous ressemblons en bien des points, toutes les deux? Bien sûr, j'ai quelques petites rides naissantes, mais que veux-tu? C'est la marque du temps. Les cicatrices de notre déchirante séparation, dit Xenia. Je n'aime pas ce que tu oses insinuer sur moi ou sur mes origines, lança Zélé. Zélé bouillonnait, elle ne voulait pas le montrer, mais y échouait, et sa perte de sang-froid réjouissait Xenia. Je n'insinue rien. Le rouge de tes veines, majesté, de qui crois-tu l'hériter? Demanda Xenia. Zeninouma est ma... commença Zélé. Zeninouma est une reine stérile qui a préféré se procurer une enfant douce plutôt que de l'avouer à son peuple. J'admire la chasteté dont vous avez fait preuve jusque-là. Je crois bien que tu ne serais plus de ce monde sinon mon pauvre Ormaïn, rigola Xenia. Le choc des révélations de Xenia devait être trop important pour que Zélé ou Ormaïn ne puissent réagir. Xenia ricana sèchement, tourna les talons en faisant virevolter sa cape autour d'elle, et s'éloigna pour prendre congé sans demander son reste. Les deux fiancés restèrent plantés là, debout, les bras ballants, arborant tous deux un air terrifié, n'osant bouger, n'osant se regarder, n'osant affronter la vérité. Dans un murmure, Zélé ne put qu'articuler faiblement une nouvelle conclusion. J'ai été adoptée. Avant que Xenia ne quittât les lieux, Ormaïn se ressaisit. Il ne pouvait pas la laisser partir. Il ignorait quelles étaient les intentions de son épouse, mais elle ne devait pas partir avant d'avoir réglé l'affaire entièrement. Elle était entrée, leur avait vidé son sac sans plus d'explication, et maintenant elle quittait les lieux, la tête haute, fière du chaos qu'elle venait de semer en quelques mots. Que croyait-elle? Que ce serait si facile? Ormaïn se lança à sa poursuite. Lui saisit le bras, mais Xenia l'avait entendu accourir, s'était retourné au moment adéquat et avait dégagé aussitôt son membre pour mieux le bousculer, le faire tomber à terre. Elle était bien plus grande que lui, et clairement, durant ces années, elle s'était évertuée à conserver un corps athlétique. Ormaïn sentit sa force par la facilité déconcertante avec laquelle elle l'avait propulsé. Décidément, il y a des choses qui ne changeront jamais, Ormaïn. Même après une guerre. Je vous laisse l'adresse de mon hôtel. Au cas où. Le battant de la porte se referma, laissant Ormaïn et Zélé à nouveau seuls dans la grande salle du trône. Ormaïn n'abattit ses poings sur la porte et proféra des injures à l'encontre de Xenia. Ses cris eurent pour effet de ramener Zélé à la réalité. Pourquoi fais-tu cela, Ormaïn? Demanda Zélé. Nous ne pouvons pas la laisser partir, Zélé. Il ne faut pas qu'elle parle. Faisons-la arrêter, qu'on la mette en prison, le temps de réfléchir à ce que... balbutia Ormaïn. L'emprisonner? Es-tu fou? Et réfléchir à quoi? Ormaïn, le mariage est annulé. Tu es mon père. À quoi devons-nous réfléchir? Elle était secouée de sanglots, elle bafouillait et en même temps parlait très vite. Zélé se battait intérieurement pour garder le fil de ses idées, même si elle pensait qu'au fond, parler ne servait à rien, aucune solution ne pourrait être apportée, trouvée. À quoi bon discuter? Elle songeait à ses derniers échanges avec Zeninouma, qui lui avait semblé positif, comme si une nouvelle relation de confiance pouvait être rétablie. Mais non, non, elle lui avait encore tué un secret. Tant que Zélé ne découvrait pas la vérité d'elle-même, elle ne pouvait pas compter sur la sincérité de sa mère, qui s'acharnait à tout lui cacher. Elle avait eu peur de lynchage public lors du discours sur la grande place, et finalement, elle regretta qu'il n'y en eût pas. La reine savait-elle qu'Ormain était son père? Lui avait-elle suggéré leur union pour mieux l'humilier par la suite? N'as-tu pas vu le plaisir avec lequel elle vient de nous annoncer ça? Et toi, Zélée, tu la crois sincère? S'écria Ormain. Pourquoi mentirait-elle, Ormain? Où serait son intérêt de mentir là-dessus? C'est facilement vérifiable et j'ai cette impression en moi, je sais qu'elle dit la vérité. Les origines lycéennes des Upléens ne font pas d'eux des individus à la peau bleue. Ils ont évolué pour une peau plus adaptée, sauf moi parce que je n'ai jamais été d'ici. La voilà les réponses à ta question. Toi aussi, Ormain, elle devrait te crever les yeux. J'aurais préféré ne pas te demander cela sur Jobjo. Mais c'est vrai que Caro a trouvé que tu avais les yeux de Makerada, dit Ormain. De moi, ne prononce pas ce nom, c'est moi dont tu parles, se désespéra Zélie. Tous les membres de Zélie tremblaient et elle s'effondra sur le sol. À genoux, elle laissait ses pleurs éclater, ne pouvant les arrêter. Ormain se baissa à sa hauteur et en dépit du profond mal qui le dévorait tout autant que Zélie, il essayait de ne pas montrer à quel point il était anéanti. L'un des deux se devait de rester fort. Zélie, nous n'allons pas nous déchirer pour quelques révélations, ce serait la laisser gagner. Xenia est... Elle a toujours aimé se montrer provocatrice. Elle déstabilise pour obtenir ce qu'elle souhaite, dit Ormain. Je suis ta fille, Ormain. Ce n'est pas une question de laisser Xenia déstabiliser qui que ce soit, ça n'a rien à voir avec elle. Aussi bien Zélie qu'Ormain pleuraient pour des raisons différentes, mais tous deux souffraient en définitive et étaient incapables de se consoler mutuellement. Zélie quitta les lieux aussi rapidement qu'elle le put, titubante, se tenant au mur quand elle fut dans le couloir et se réfugia dans ses appartements. Quand la porte se referma derrière elle, elle aurait érigé un mur à la place, se cloîtrait ici pour ne plus jamais avoir à affronter rien de cet univers qui s'acharnait contre elle. Quant à lui, Ormain resta un long moment dans la salle du trône déserte, ressassant les mots de Xenia, voulant y trouver la faille, ce qui permettrait de le convaincre qu'elle mentait. Mais pourquoi mentirait-elle? Qu'aurait-elle à en tirer? Elle avait pris tant de plaisir à cracher chacune de ses révélations, jouant avec eux pour mieux les achever, quand ils étaient trop agacés. Cela lui glaçait le sang. Était-elle ainsi autrefois? Au fur et à mesure qu'Ormain repensait à leur relation, le temps de leur mariage, il développa les pensées qu'il s'était interdit d'avoir jusqu'ici. Il se revoyait avec elle, avec Xenia. Il revoyait leurs échanges quotidiens sous un angle totalement différent. À l'époque de sa découverte dans la forêt, aucun des résistants ne comprenait d'où elle venait, tant elle dénotait physiquement des Nifiens qu'ils connaissaient. Grande, très fine, la peau claire, les yeux roses, et en plus de cela, elle ne parlait pas la langue. Elle n'avait jamais révélé ses origines. Sous terre, dans les galeries, trop effrayée d'être renvoyée à la surface, puisqu'elle était une femelle, elle avait appliqué les conseils d'Elie Jodie. Elle s'était mise à faire des avances à Ormain, dans le but de l'épouser et de s'assurer une vie parmi eux. Ormain n'était qu'un adolescent. Il n'y avait vu aucune malice. Il avait été flatté qu'elle s'intéressât à lui, alors qu'elle aurait pu séduire n'importe lequel des autres mâles de la résistance, tant ils étaient tous à ses pieds. Tout le trouble que sa beauté et son assurance soulevaient en lui, lui avait fait croire qu'il était amoureux. Après quelques semaines, Xenia avait émis l'idée d'un mariage, d'officialiser leur union, et de célébrer l'événement dans les galeries. Un mariage, c'était une première. Les résistants n'avaient pas de rites ou de cérémonies, ils ne fêtaient même pas les anniversaires. Les festins étaient organisés pour des occasions plus concrètes, l'achèvement d'une nouvelle galerie ou la découverte d'un trésor, par exemple. Très peu de temps après le mariage, Xenia lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Ormain, comme tous les résistants, n'entendait pas grand-chose à ces aspects de la vie, et après quelques explications, il fut très triste de savoir qu'un être, de plus, allait connaître ce monde. Aurait à craindre pour sa vie nuit et jour, et devrait brimer ses envies de liberté. Sans être suicidaire, Ormain considérait qu'à choisir entre la non-existence et cette existence-là, son choix se portait sur la première option. Sa tristesse ne se dissipa pas quand il sentit sa fille à naître bouger dans le ventre de sa mère. Il interrogeait même Xenia. N'était-elle pas de son avis ? Elle restait silencieuse, détournant le regard. Ce fut peut-être là qu'il commença à comprendre qu'il ne la connaissait pas. Plutôt que de passer du temps avec lui, elle s'occupait de Karoa, en l'appelant Kawa, et en taisant leur histoire commune. La naissance, Ormain n'y assista pas. Ce fut la nuit. Xenia ne le réveilla pas. Elle sortit des galeries, chose interdite, et alla accoucher dans une rivière, selon la tradition, comme elle le lui expliqua plus tard. Le lendemain matin, elle était revenue dans les galeries, trempée, l'enfant dans les bras. Déjà qu'après le mariage, une distance soudaine s'était établie entre eux, mais après l'accouchement, un gouffre s'était creusé. Ils ne se comprenaient plus, ne se supportaient plus. Chaque mot était sujet à dispute et à hurlements. Xenia fuyait leur fille, elle était toujours volontaire pour la cueillette et s'absentait du matin au soir. Ormain devait cesser d'idéaliser leur relation qui avait été non seulement brève, ils avaient passé tout au plus une année ensemble, mais jamais il n'avait été question d'une relation amoureuse ou amicale. Il ne connaissait pas Xenia, elle n'avait jamais cherché à le connaître et à échanger. Xenia vivante, il n'avait plus à culpabiliser de la ternir, car il ternissait son image et non pas sa mémoire. Il n'avait pas à être étonné du comportement que venait d'avoir Xenia dans la salle du trône. Le seul étonnement devait provenir de son entêtement à clamer qu'ils étaient mariés. Ils ne s'aimaient pas, alors pourquoi insister sur ce lien, qu'il préférerait rompu ? Emma Kerada. Il avait eu beau souhaiter qu'elle ne vînt jamais au monde, il l'avait aimée dès que ses yeux s'étaient posés sur elle. Ils s'étaient réveillés seuls, dans leur couche le matin, ne comprenant pas. Et Xenia avait franchi la porte avec cette petite chose bleue, lovée contre son sein. Ce n'était qu'un nourrisson, parmi tant d'autres. Les résistants étaient habitués à les trouver, tout juste venus au monde dans la forêt. Et pourtant, ce nourrisson-là était différent parce qu'il était le sien. Parce qu'il l'avait attendu avec hantise et que le cauchemar appréhendé était en réalité un rêve. Remarquant ses yeux éblouis, Xenia lui avait mis sa progéniture dans les bras. « Tiens, voilà ta fille, Makerada. » Ormain, habitué à s'occuper des enfants en bas âge, saisit sa fille avec fascination. Il ne releva pas qu'elle avait été nommée sans qu'il ne fût consulté au préalable. Il n'y avait jamais songé jusqu'à maintenant, 18 ans plus tard. 3 jours durant, ses yeux de bébé étaient restés fermés, et quand ils s'ouvrirent sur le monde souterrain, Ormain était là, car il ne s'en était pas séparé une seule fois. Ses yeux bleus de sa fille. Il s'était attendu à des yeux jaunes ou du rose. Non, ils étaient bleus. Si la résistance avait été mixte, Ormain aurait deviné depuis longtemps la couleur des yeux par déduction de celle du cuir, qui était bleu clair. Mais puisqu'à l'époque il n'avait jamais côtoyé qu'une seule femelle, Xenia, il était loin de connaître cette caractéristique féminine. En fin de compte, son ignorance ne l'avait rendu que plus content. Il avait eu la surprise de la naissance et la joie d'un nouvel étonnement 3 jours après. Il avait même dit à Xenia qu'elle avait les plus beaux yeux qu'il ait jamais vus. Et Xenia lui avait lancé comme une pique qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Oh Makerada, comment ai-je pu oublier tes yeux ? Ormain pleurait sur le trône. Il réalisa où il se trouvait et se leva vite pour fuir cette pièce où il n'avait aucunement sa place. Lui, père indigne, un fichu de reconnaître son enfant chéri, pourrait prétendre à devenir roi ? Karoa, tout cela devrait te revenir. Zélé avait désactivé son implant. Elle ne communiquait avec personne. Elle voulait être oubliée. mais en ces temps agités où l'avenir du Pléas basculait, on pensait à elle plus encore que de coutume. Les Upléens n'étaient pas les seuls à avoir les yeux braqués sur elle. Il y avait désormais tout le comète, et bientôt les Nicéens. Qu'allait-on croire d'elle? Qu'elle était déjà fatiguée avant d'avoir commencé? Cela faisait 4 ans qu'elle avait commencé. Mais puisque ça n'avait pas été médiatisé, c'était ignoré. Il n'était ni juste, ni normal que l'avenir de mondes entiers reposât sur elle et sur quelques représentants, sur une poignée d'individus. Comment ne pas imaginer qu'ils iraient droit à l'échec avec pareille stratégie? Zeninouma lui avait dit de prendre un roi nikéen pour unir les deux planètes, et elle avait suivi le conseil dans la foulée sans réfléchir un instant. Elle avait obéi à la reine, elle s'était rangée à l'avis de la pire conseillère qui fût. Combien de fois devrait-elle encore être bernée avant d'accepter cette vérité simple? Que Zeninouma agit volontairement ou non, Zélé souhaitait ne plus jamais entendre un seul mot prononcé de sa bouche. La solution n'était pas dans une demi-douzaine d'individus réfléchissant. Pour les autres, Upléens et Nicéens, tous, sans exception, devaient s'investir dans la reconstruction de leur société. Un mariage renforcerait l'idée que le système n'avait pas changé, que le système responsable des atrocités permises aurait le droit de perturber. La monarchie devait être balayée, et Zélé en serait la dernière reine. Elle serait reine pour mieux y mettre un terme. Zélé, réfugiée dans ses appartements, s'était glissée dans son lit, et après avoir pleuré, ragé, puis réfléchi pendant des heures, avait cédé au sommeil. Elle s'accordait ce repos, puis elle irait trouver Xenia, s'enquérerait des circonstances de son adoption et des attentes de sa mère biologique. Qu'était-elle venue chercher ici? Elle était rentrée, mue par une assurance évidente, avait fait ses révélations et s'était retirée. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi aurait-elle fait ce voyage pour se contenter de lancer 3 phrases percutantes? Mais il suffisait. Elle ne voulait plus être tourmentée par tous ceux qui l'entouraient, tous ces personnages qui se jouaient d'elle. Et voilà que les fantômes se joignaient aux vivants. Dans son sommeil agité, Karoa lui rendit visite. Il avait l'air triste. Il s'approchait d'elle en murmurant. Elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Il s'approcha encore, jusqu'à ce que sa main tendue lui caressa la joue. Il avait l'air si triste. Triste à cause de quoi? Il parlait, il s'expliquait, mais elle n'entendait pas. Finalement, il l'embrassa. Elle répondit à son baiser. Étrangement, le goût de sa salive dans sa bouche était différent. Avait-elle déjà oublié le goût de ses baisers? Ormaïn tournait en rond dans sa chambre, comme un fauve, fou, en cage. Il avait 1000 questions à poser à Xenia, mais il ne voulait pas la revoir. Il se serait jeté à sa gorge pour l'étrangler. Pourquoi était-elle venue semer le chaos alors que tout allait enfin pour le mieux? Les réponses qu'elle pourrait apporter ne changeraient rien, et il était inutile qu'il se voilât la face sur la véritable raison de la folie qui le gagnait. Des années passées à se ronger les sangs sur le devenir de sa famille, des années à espérer retrouver sa fille, et voilà 4 ans qu'il l'avait retrouvée sans la reconnaître. 4 ans qu'il passait ses journées en sa compagnie, que chaque jour il fixait ses yeux bleu saphir, et qu'il n'avait jamais, une seule fois, imaginé que... Il sortit en trombe et se rendit à l'étage des appartements de Zélé. Se présentant devant la porte, celle-ci s'ouvrit automatiquement en l'identifiant. Il se doutait bien que Zélé aurait refusé de le voir s'il s'était annoncé, et il fut soulagé de constater qu'elle n'avait pas eu l'idée de désactiver la permission qu'elle avait ajoutée à la porte. Avec ce qu'il s'apprêtait à faire, Zélé ne l'aurait jamais laissé pénétrer, c'était certain. Après l'antichambre, la chambre de Zélé. Tout doucement, Ormaïn poussa le battant, qui n'émit aucun grincement. Devant l'encadrement, au milieu de la pièce, entre 2 fenêtres, était centré le lit de la princesse, avec des tentures pourpres suspendues tout autour. Ormaïn contourna le lit et regarda Zélé au travers du dôme protecteur dont l'effet d'eau se reflétait sur le visage de Zélé. Il vit son visage irrité par les larmes et légèrement contracté. Même en plein sommeil, ses soucis ne la quittaient pas, alors qu'elle tentait de trouver le repos. Il s'assit sur le rebord du matelas et lui parla doucement. Du dos de sa main, il lui caressa la joue. Les traits de Zélé semblèrent s'adoucir à cette caresse. Il la contempla un long moment, voulant garder à jamais cette image d'elle en mémoire. Comme si, par-delà la mort, il pourrait subsister en lui cette vision de rêve. Il plaça ses mains de chaque côté de la tête de Zélé et la souleva avec une douceur infinie pour ne pas la réveiller. Mon existence vient de se transformer en frein à la réunification de nos mondes. Adieu, Zélé. Pardonne-moi d'avoir été un mauvais père. Je ne peux endurer de ne pas t'avoir reconnu, ma petite Makerada, souffla Ormaïn. L'admirant une dernière fois, Ormaïn se pencha sur elle, sa lèvre inférieure rencontrant la bouche de la princesse, encore endormie. Zélé sentit une saveur acidulée envahir son palais. Elle mit un certain temps à réagir, à comprendre que ce qui lui arrivait était réel, qu'elle ne rêvait pas. Que si ce goût de salive était différent, c'était parce qu'il ne s'agissait pas de Karoa. Elle ouvrit les yeux et fit la mise au point sur le visage d'Ormaïn. Il l'embrassait. Elle lui saisit les bras et lutta pour le repousser, ses griffes s'enfonçant dans la chair des bras du Nikéen. Enfin, elle put se libérer de son étreinte. Il se releva vite et prit la fuite. Horrifiée, elle demeura paralysée, mais hurla sa rage en criant après lui alors qu'il avait déjà quitté la pièce. Est-ce une raison pour me faire porter ton suicide ? Cria-t-elle. Zélé, qui malgré ses tourments avait réussi à trouver le sommeil, ne se rendormit pas cette fois-ci. Elle pleura et pesta, étouffant ses cris dans son oreiller. Elle aurait voulu partir à la poursuite d'Ormaïn, le rattraper et passer au moins les derniers instants avec lui. Mais si elle faisait cela, elle révélerait à tous qu'ils étaient génétiquement liés. Et en se suicidant, il prouvait qu'il ne désirait pas que cela se sût. Elle devait rester dans ses appartements et attendre qu'il fût retrouvé mort pour réagir. Peut-être aurait-elle à tout avouer à ses parents, à Zelinouma et Idlé. Mais pour le moment, elle crevait simplement de rage. Elle maudissait son corps, qui, par leur consanguinité, était en ce moment en train de tuer son seul véritable allié.